À 10 heures, il fut demandé au greffe de la prison, et il y trouva Lisbeth qui, tout en pleurs, lui donna de l'argent afin de bien vivre et de se procurer une chambre assez vaste pour pouvoir y travailler. « Mon enfant, lui dit-elle, ne parlez de votre arrestation à personne. N'écrivez à âme qui vive, cela tuerait votre avenir. Il faut cacher cette flétrissure. Je vous aurai bientôt délivré. Je vais réunir la somme. Soyez tranquille. Écrivez-moi ce que je dois vous apporter pour vos travaux. Je mourrai ou vous serez bientôt libre. » « Oh, je vous devrai 2 fois la vie, s'écria-t-il, car je perdrais plus que la vie si l'on me croyait un mauvais sujet. » Lisbeth sortit la joie dans le cœur. Elle espérait pouvoir, en tenant son artiste sous clé, faire manquer son mariage avec Hortense en le disant marié, graciée par les efforts de sa femme, et partie pour la Russie. Aussi, pour exécuter ce plan, se rendit-elle vers 3 heures chez la baronne, quoique ce ne fût pas le jour où elle y dînait habituellement, mais elle voulait jouir des tortures auxquelles sa petite cousine allait être en proie au moment où Wenceslas avait coutume de venir. « Tu viens dîner, bête ? » demanda la baronne en cachant son désappointement. « Mais oui !»« Bien, répondit Hortense, je vais aller dire qu'on soit exact, car tu n'aimes pas à attendre. » Hortense fit un signe à sa mère pour la rassurer, car elle se proposait de dire au valet de chambre de renvoyer M. Steinbock quand il se présenterait. Mais le valet de chambre étant sorti, Hortense fut obligée de faire sa recommandation à la femme de chambre. Et la femme de chambre monta chez elle pour y prendre son ouvrage, afin de rester dans l'antichambre.